un été d'écrivain. Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures, un été d'écrivain. Toute cette semaine, Sébastien Le Foll s'entretient avec Jean d'Ormesson, une émission enregistrée en 2014. À voix nue. Toute cette semaine, Sébastien Le Foll rencontre Jean d'Ormesson. Ce soir, du côté de chez Jean. La voix que nous allons écouter cette semaine est celle de l'écrivain préféré des Français. Depuis les années 70, il s'arrache ses livres, il goûte son érudition joyeuse. La littérature française a un visage, le sien. Il l'incarne, la célèbre. On se demande même parfois s'il n'a pas écrit « Les mémoires d'outre-tombe »,« Les misérables ». Jean d'Ormesson, bonjour. Bonjour. Alors je vais vous présenter sous votre véritable identité. Oui. Comte Jean Bruno Vladimir François de Paul Lefèvre d'Ormesson. Alors qui eût cru en 1793 que l'écrivain préféré des Français, plus de 200 ans plus tard, en 2013, serait un aristocrate? Alors, on peut tout de suite dire que le premier mot que vous avez prononcé, c'est ce qu'on appelle un titre de courtoisie. Ça n'existe pas. Ma famille est une famille d'artisans. Nous nous appelons Lefèvre. Probablement, ça devait être des gens qui s'occupaient de métaux, probablement, d'orfèvre, peut-être. Vous êtes un Rome, un ferrailleur? Oui, quelque chose comme ça, c'est ça, un Rome ferrailleur. Et assez tard par rapport aux vieilles familles, ces ferrailleurs deviennent notaires ou greffiers et entrent dans cette catégorie de Romains qui se mettent au service du roi. Avec un esprit d'indépendance dès le début. Et l'illustration de la famille est quelqu'un qui s'appelle Olivier d'Ormesson. Les Lefèvre ont une propriété au nord de Paris qui a disparu du côté d'Anguin, qui s'appelle Ormesson, et ils prennent le nom d'Ormesson. C'est ce qu'on appelle la noblesse de robe, par opposition à la noblesse d'épée. La noblesse d'épée remonte au XIIe, Xe, XIe siècle, et la noblesse de robe remonte quelquefois au XVIe siècle, comme tout. Et Olivier d'Ormesson a une réputation, c'est d'être honnête. On disait, il y avait un slogan, comme ça, qui était « courageux comme un Guise, spirituel comme un Mortemart ». Les Mortemart, Madame de Montespan était Mortemart, et c'était des gens qui avaient la réputation d'être très drôles et honnêtes comme un d'Ormesson. Et quand Louis XIV, à la mort de Mazarin, prend le pouvoir et qu'il commence à se méfier de Fouquet, qui est son ministre des Finances et qui a un admirable château qui s'appelle Vaux le Vicomte, et où il donne une fête à tout casser qui ne plaît pas beaucoup à Louis XIV, tout jeune encore, qui vient de prendre le pouvoir. Versailles n'existe pas encore, n'est-ce pas ? Et Louis XIV décide d'abattre Fouquet, son ministre des Finances. Ça arrive que le chef de l'État soit mal avec un de ses principaux ministres. Et il se dit, qui est-ce qui pourrait me servir le mieux? Il y a quelqu'un qui est très honnête, au bord du jansénisme. C'était des gens très très rigoureux, vous savez, ils ne prêtent pas vraiment à rire. Et il se dit, d'Ormesson va être parfait. Et alors Olivier d'Ormesson arrive, examine les choses, découvre que Fouquet est coupable, mais pas tellement plus coupable que, par exemple, Colbert, qui est son grand ennemi et qui est maintenant le favori du roi. Et le roi voulait la tête de Fouquet, et d'Ormesson, nous savons tout ça par les lettres de Madame de Sévigné, d'Ormesson propose l'exil. Et le roi commue. Mais en général, quand on commue, quand on exerce ce roi de grâce, on descend dans la peine. Et lui, il monte dans la peine. Il commue l'exil en prison perpétuelle. Et donc, Olivier d'Ormesson a été ruiné, a perdu tous ses postes, et il a quand même eu sa revanche. Louis XIV, vieillissant, a dit à son fils, votre père était un honnête homme. Alors ça, c'est la gloire de la famille. Et pour ma part, j'ai appliqué la formule de Chateaubriand, que j'aime beaucoup, qui dit, l'aristocratie a trois stades. Le premier stade, c'est les services qu'elle rend au peuple. Le deuxième, c'est les privilèges qu'elle continue à garder. Et le troisième stade, celui où nous sommes, c'est celui des vanités. Alors on peut supprimer le comte, mais je m'appelle en effet Lefèvre d'Ormesson. N'y a-t-il pas une ironie à voir cette France républicaine qui a rejeté l'ancien régime, la monarchie, vous célébrez, vous l'aristocrate aujourd'hui? Est-ce que vous ne seriez pas la mauvaise conscience de la France républicaine? Alors, je vais vous dire, toute la famille de mon père, tous les d'Ormesson, ont toujours été, comme je vous l'ai dit, assez proches du jansénisme. Et il y a une étude remarquable d'un grand ami à moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jacques Julliard, qui a étudié le jansénisme et qui voit dans le jansénisme une des racines de la gauche française. Et ma famille a toujours été ce qu'on appelait une famille libérale. Alors c'est intéressant parce que le mot libéral aujourd'hui a une connotation de droite. Mais sous la monarchie, le libéral avait une connotation de gauche. Et ma famille a toujours été, comme les parlementaires, les Lamoignon, ou les Maupoux, a toujours été un peu en marge de la monarchie et plutôt à gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que mon père était ce qu'on pourrait appeler un chrétien de gauche. Il était disciple, ça ne dit plus grand-chose aujourd'hui, quelqu'un qui s'appelait Marc Sangnier, qui était le Sillon, qui était le grand adversaire de l'Action française, qui était la gauche catholique. On les appelait les démocrates populaires. Ça n'a rien à voir avec la démocratie populaire, oui. À l'époque de Staline. Les démocrates populaires étaient des gens de centre-gauche. Et mon père a été ambassadeur du Front populaire. Il a été nommé par Blum, et il n'était pas socialiste, mais il était très fidèle au gouvernement et il n'aimait pas du tout qu'on critique Léon Blum et le Front populaire qu'il représentait. Et ce qui avait d'intéressant, c'est qu'il avait épousé ma mère qui appartenait à une famille monarchiste, franchement réactionnaire, ultra-catholique. Et donc, j'ai ces deux tendances dans ma famille. Et il y a cet arrière-arrière-grand-père qui a voté la mort du roi. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous avez un Lepelletier, encore une famille de parlementaires, qui avait acheté une propriété qui s'appelait Saint-Fargeau, qui était un vieux château, très vieux, très grand, qui remontait aux frères de Hugues Capet. Et un des Lepelletiers de Saint-Fargeau, Louis-Michel, est devenu député de la noblesse à la Constituante et il s'est lié avec un avocat du nord de la France qui s'appelait Robespierre. Et il n'a pas été à la législative, mais il a été à la Convention nationale et il a voté la mort du roi. Donc, c'est dans ma famille réactionnaire qu'il y a un régicide. Est-ce qu'il y a une malédiction, Jean d'Ormesson, à être bien né? Vous savez, Je ne peux pas vous me présenter à vous comme un homme de gauche. Je crois que je passe pour un homme de droite et j'assume très bien cette catégorisation. J'ai deux caractéristiques. D'abord, je crois au progrès. C'est très intéressant, vous savez, l'idée de progrès. Elle est un peu abandonnée par la gauche aujourd'hui. Un peu par tout le monde, non ? Et un peu par tout le monde. Évidemment, aujourd'hui, on croit beaucoup moins au progrès. L'idée que le nucléaire et la science vont faire du bien, vous savez, c'est une idée qui est quand même très battue en brèche. Et la deuxième chose qui me sépare peut-être d'un certain nombre de gens de droite, c'est que je crois fondamentalement, vraiment fondamentalement, à l'égalité des gens. Je crois à l'égalité. Je me demande quelquefois s'il y a des gens plus intelligents que d'autres. Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres. Et que, de droite ou de gauche, la tâche qui nous est incombée, c'est de donner toutes ces chances à tous les jeunes gens. C'est ça qui me paraît. Donc, l'idée d'une aristocratie, c'est très très loin de moi. Alors cependant, il y a chez vous quelque chose de vraiment de droite, c'est cet attachement viscéral à l'institution familiale. Vous écriviez d'ailleurs en 66 dans votre livre « Au revoir et merci », « J'ai d'abord appartenu à ma famille ». Oui, c'est vrai. Alors, j'aurais pu être d'extrême gauche. J'aurais pu être d'extrême gauche. Puisqu'on parle de ma famille, mon père était diplomate. Et donc, mon père appartenait à cette tribu qui se promenait encore avec des plumes sur la tête. J'ai vu mon père en habile ambassadeur, habillé de façon invraisemblable, de façon plus invraisemblable que les académiciens, avec vraiment les plumes sur la tête et montant dans des carrosses traînées par 6 chevaux blancs quand il allait déposer ses lettres de créance. Alors évidemment, les idées me viennent en foule. D'abord, j'ai vécu au milieu des privilèges. Mais c'était des privilèges républicains. C'était des privilèges républicains. Aussi loin que je remonte, il y avait des cuisiniers, des femmes de chambre, des chauffeurs, mais c'était les gens de la République. Mon père dépensait tout ce qui... Mon père n'avait pas de fortune, aucune fortune. Mais il avait un traitement d'ambassadeur, de ministre en Allemagne, d'ambassadeur ensuite. Et donc, j'ai vécu dans les privilèges républicains. D'un côté, j'avais les privilèges républicains, du côté de mon père, et du côté de ma mère, j'avais un château. Mais comme on n'avait pas de fortune, ce château, qui était un château historique, Saint-Fargeau, qui est devenu Plessis-les-Vaudreuil dans son plaisir de Dieu, c'était un château où il y avait quelque chose comme 300 chambres, dont 290 étaient fermées, où il n'y avait pas de salle de bain. Il n'y avait pas de salle de bain. Il y en avait une. Il y avait une salle de bain. Le chauffage n'était pas fameux. Hein. Et il y avait une cuisinière et une personne. Dans ce château, il aurait fallu 40 personnes, n'est-ce pas ? Et donc, j'ai vécu dans ce luxe qui était un château un peu misérable. Et ça a été un des drames de ma vie, c'est que j'ai pas pu garder le château. Et de l'autre côté, sans aucune fortune, mon père ambassadeur était entouré de tous ces privilèges diplomatiques qui étaient à l'époque considérables. À l'époque, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas télévision, les communications n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, et l'ambassadeur avait vraiment un grand pouvoir. C'était une espèce de proconsul à l'étranger, avec une cour, presque une cour autour de lui, et donc j'ai vécu en effet dans ces privilèges, encore une fois, républicains. Jean d'Ormesson, vous avez passé votre enfance dans une valise diplomatique. D'ailleurs, vous avez à peine 3 semaines quand votre père est nommé diplomate en Bavière, où on parle déjà d'un certain Hitler. Quand mon père arrive à Munich en 1925, Hitler est en prison. Il vient de rater son putsch et il est en prison à Munich. Et quand mon père reste très longtemps à Munich, il reste 8 ans, ce qui pour une mission diplomatique est très long. Et il est à Munich, il n'est pas consul, il est ministre. Il y a naturellement un ambassadeur à Berlin, mais il est ministre parce que la France, la République, essaye, c'est une illusion, de séparer la bonne Bavière de la mauvaise Prusse. Et s'il y a eu un peu de résistance, je crois que c'est acquis maintenant, à Hitler, c'était plutôt dans certaines vieilles familles prussiennes plutôt qu'en Bavière. Et pour mon père, ça a été un désespoir. Il était très antimilitariste. Il était un élève de Briand et de Barthou. Et il était plutôt germanophile. Il était en tout cas ardemment pour le rapprochement franco-allemand. Et l'arrivée de Hitler en 1933 au pouvoir a été pour lui une déception affreuse et un immense chagrin. Et plus qu'un chagrin, ça a été un drame, parce qu'il était violemment anti-nazi, très violemment. Et tous les matins au courrier, il y avait des lettres d'insultes. Et souvent des photographies de mon père avec les yeux crevés. Je me rappelle ces photos qui arrivaient le matin, on prenait son petit déjeuner et on regardait les photos avec mon père avec les yeux crevés. J'ai compris comme ça que l'histoire était tragique. Et mon père n'était naturellement pas pour Staline. Mais entre Staline et Hitler, il a très tôt choisi Staline. Et un des autres drames de mon père, je me souviens, il était accablé, c'était en 1938, il était déjà ambassadeur au Brésil, il avait été en Roumanie et ensuite au Brésil, et l'annonce du traité germano-soviétique, c'était l'écroulement pour mon père, et à partir de ce moment-là, il savait que la guerre était inévitable. Vous étiez un enfant à l'époque, mais est-ce que vous avez des souvenirs précis de la montée du nazisme ? Écoutez, j'ai un souvenir très, très, très précis qui est probablement mon souvenir le plus ancien. Je dois avoir 6 ans déjà, ce qui est assez tard. J'ai très peu de souvenirs à 5 ans ou à 4 ans, comme beaucoup de mes amis. Et à 6 ans, ça doit être en 1930. Ou 1932, c'est déjà ancien, je suis sur le balcon de la légation de France à Munich. L'Isar coule pas très loin, l'Isar c'est le fleuve qui passe à Munich, et il y a un cortège de gens qui chantent très bien, comme les Allemands chantent, peut-être pas très nombreux, mais enfin plusieurs centaines de jeunes gens, des gens jeunes en général, derrière un drapeau rouge avec un rond blanc au milieu et quelque chose de bizarre, comme une croix, c'était la croix gammée, dans ce rond blanc. Et les gens applaudissent le long du passage du cortège, et moi à 6 ans, je me mets à applaudir. Et tout à coup surgit derrière moi mon père, qui me flanque avec beaucoup de douceur, c'était un homme très doux, et il me flanque la seule claque qu'il m'ait jamais donnée. Et naturellement, j'étais un peu abasourdi, et plus tard, sûrement plus tard, vous savez, quand on raconte ses souvenirs, la plupart du temps, on les réinvente. Mais je me rappelle très bien plus tard mon père me disant, mon père était la tolérance même, il était la tolérance. Et il me dit, il y a une limite à la tolérance, c'est l'intolérable. On sent l'admiration dans votre manière de parler de votre père, mais est-ce que la grande passion, le grand amour de votre vie, ce n'est pas votre mère ? Oui, c'est-à-dire, j'avais un frère que j'aimais beaucoup, qui avait 5 ans de plus que moi. Et alors, c'est amusant parce que moi, je travaillais très bien. Et j'avais un frère qui, lui, travaillait très, très mal. Très, très mal. C'était vraiment le cancre dans toute sa splendeur, qui choisit de s'asseoir près du radiateur et qui dort pendant les cours. Et je me rappelle, il y avait à ce moment-là, je ne sais pas si ça existe encore, des carnets de notes tous les mois ou toutes les semaines, et mes parents s'arrachaient les cheveux. Et ma mère, je fais des digressions, ma mère avait une scandaleuse préférence pour moi, sûrement. J'étais le petit dernier, fragile, de mauvaise santé. Je ne veux pas vous parler trop de moi, quand même. À quelques semaines, j'étais condamné. Le lait m'empoisonnait, le lait de ma mère m'empoisonnait. Et on a cru que j'étais perdu et on m'a élevé au jus de carotte. On m'a élevé au jus de carotte, ce qui fait que maintenant j'adore le lait et je déteste les carottes. Mais vous adoriez votre mère, souvent d'ailleurs comme les petits garçons qui ont été malades. Je vais vous dire, c'est absolument dégoûtant. Les bons sentiments coulent à flot. Mes parents s'aimaient. Je n'ai jamais entendu un mot entre eux. L'idée de se séparer, l'idée de divorce, c'était très intéressant. Mon père était quand même un homme, comme je vous l'ai dit, plutôt de centre-gauche, qui représentait le Front populaire. Et il était incroyablement réactionnaire en matière de mœurs. En matière de mœurs, il était une sévérité inouïe. Quand j'étais par exemple à l'école normale, quand le téléphone sonnait, et que je me précipitais au téléphone parce que je me disais, ça peut être une petite amie à moi. Et s'il entendait une voix de femme, j'avais 19 ans, hein, ou 18 ans, et s'il entendait une voix de femme qui me demandait, je l'entendais dire, qu'est-ce que vous lui voulez encore ? Ce qui fait évidemment que j'ai été très brimé dans ma vie sentimentale par mes parents qui m'adoraient. Et ma mère m'adorait. Quand j'ai fait des folies dans ma jeunesse, elle m'a défendu bec et ongles. Et en effet, j'étais très très lié avec elle. Quand j'étais directeur du Figaro, je me rappelle que je passais la voir presque chaque soir. En tout cas, deux fois par semaine. Et si je ne passais pas, elle était assez mécontente. Elle était très autoritaire. Et beaucoup des traits de mon grand-père dans Au plaisir de Dieu sont en réalité un portrait de ma mère. Et dans mes livres, j'ai parlé beaucoup de mon père. Et j'ai très peu parlé de ma mère, sauf à sa mort. J'avais écrit dans l'émotion de sa mort, j'avais écrit un article que j'avais montré à mon frère et mon frère m'avait dit, il n'est pas question que tu publies ça. Vous savez, c'était encore la mentalité, maintenant ça paraît invraisemblable, on étale sa vie privée partout, mais à l'époque, même des bons sentiments, ça ne se disait pas. Et je n'ai pas pu résister, je l'ai publié dans le Figaro, et c'est évidemment un des textes auxquels je suis le plus attaché. Alors vraiment, je crois que ma mère savait que j'avais pour elle une espèce de dévotion, mais qui n'était probablement pas grand-chose en comparaison de celle qu'elle avait pour moi. Vous n'avez jamais eu envie de vous révolter contre votre famille ? C'est à désespérer Bourdieu, votre histoire. Mais c'est un drame. Quand je suis entré en Cagne, tous mes amis étaient non pas communistes, ils étaient trotskistes. Mais vous les connaissez. Il y avait là Lefort, un des fondateurs de Socialisme et Barbarie, qui était un des trotskistes, un lambertiste. C'était la partie des trotskistes d'où est sorti Jospin, qui est un homme que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup. J'ai beaucoup d'affection et de respect pour lui et pour sa femme qui écrit des livres merveilleux. Et donc j'étais ami de Lefort, j'étais ami d'un grand psychanalyste qui s'appelle Jean Laplanche, qui était un de mes amis les plus intimes, et de son ami à lui, ils étaient intimes tous les deux, qui s'appelait Pontalis. Et c'était deux élèves de Lacan plus tard, et ils ont écrit un très célèbre dictionnaire de la psychanalyse. Ils sont d'ailleurs, comme souvent les amis intimes, ils sont brouillés à mort. Mais enfin, j'étais très lié avec eux. Donc j'étais très lié avec ces trotskistes. Et c'était très amusant parce que je vivais dans ce milieu à l'école normale, et Léon Blum, par exemple, apparaissait comme le suppôt de la bourgeoisie, celui qui avait trahi le socialisme pour gérer les affaires de la bourgeoisie. Vous rappelez les vers d'Aragon, « Feu sur la social-démocratie, feu sur Léon Blum ». Ça, c'était ce que j'entendais autour de moi. Et j'arrivais à Saint-Fargeau, chez mes grands-parents, où Léon Blum apparaissait comme un bolchevique dangereux, avec un couteau sanglant entre les lèvres. Et alors j'ai compris très vite la relativité des choses et combien nous sommes menés par la mode, par les passions, par les préjugés. Et j'ai essayé de me débrouiller au milieu de toutes ces difficultés. Et en effet, mon père me disait souvent, c'est difficile à comprendre, je ne sais pas, de temps en temps, je me dis que tu es communiste, de temps en temps, tu as les côtés fascistes, au fond, tu es un anarchiste. Au fond, j'étais rien de tout ça, je ne savais pas très bien où j'en étais. Un anarchiste tempéré, en même temps. Non seulement vous n'êtes jamais révolté contre votre famille, mais en plus, qu'est-ce que j'apprends, Jean d'Ormesson, vous êtes resté chez vos parents jusqu'à l'âge de 37 ans. Oui, j'ai été, parmi les choses que j'ai inventées, peut-être j'ai inventé un genre littéraire qui s'appelle l'histoire-fiction, peut-être j'ai inventé la mode de la cravate de tricot noir. J'ai aussi été un précurseur de ce qu'on appelle le cocooning, c'est-à-dire que je vivais chez mes parents. C'est vrai, c'était incroyable. J'étais probablement un peu paresseux, un peu nonchalant. Je me disais que c'était compliqué d'être libre. Là, j'étais bien, là, j'étais tranquille. C'était À voix nue. Toute cette semaine, Sébastien Le Foll rencontre Jean d'Ormesson. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Benjamin Thuot, réalisation Anne de Pelchin, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. Demain, suite de cette rencontre de Sébastien Le Foll avec Jean d'Ormesson. Culture, un été d'écrivain, deuxième partie, le temps de la lecture. Nous vous proposons d'entendre en nouvelle diffusion une traversée de l'œuvre de Jean d'Ormesson, lue par Philippe Morier-Genoux dans un feuilleton réalisé par Baptiste Guiton. Pages arrachées, à Jean d'Ormesson, avec Philippe Morier-Genoux. Choix des textes, Sylvie Balule. Première partie, les origines. Je suis né dans un monde qui regardait en arrière. Le passé y comptait plus que l'avenir. Mon grand-père était un beau vieillard, très droit, qui vivait dans le souvenir. Sa mère avait dansé aux Tuileries avec le duc de Nemours, avec le prince de Joinville, avec le duc d'Aumale, et ma grand-mère, à Compiègne, avec le prince impérial. Mais c'était à la monarchie légitime qu'à travers tant de désastres, de barricades, de citadelles assiégées, de rebelles triomphants, ma vieille tribu tout entière restait passionnément attachée. Les lendemains qui chantent aux oreilles des prophètes ne lui disaient rien qui vaille. L'âge d'or était derrière nous, avec toute cette douceur de vivre dont nous traînions dans nos légendes les échos assourdis et que les plus jeunes d'entre nous n'avaient jamais connus. Il flottait toujours parmi nous, et plutôt un peu au-dessus, un personnage silencieux et absent. C'était le roi. Les plus âgés de la famille nous parlaient encore de lui, le soir, comme d'un maître très pur et très bon, dont des serviteurs indignes avaient parfois abusé. Le roi n'avait pas manqué 5 ou 6 fois par siècle de dire à un arrière-grand-père maréchal général des camps ou premier président, à un arrière-grand-oncle gouverneur du Languedoc, à une arrière-grand-tante libertine, quelques paroles insignifiantes que nous nous répétions sans nous lasser. Et elle nous donnait tant de bonheur que nous allions quelquefois jusqu'à en inventer de nouvelles. Nous étions une vieille famille. Je m'étais inquiété assez tôt de ce que pouvait bien signifier cette formule un peu mystérieuse. J'avais demandé à mon grand-père s'il y avait par hasard des familles qui étaient plus vieilles que les autres, s'il y avait des âges très reculés, gardés peut-être par des anges aux épées flamboyantes, où mes arrière-grands-parents auraient été seuls à se promener et où, surgis soudain du néant, les autres n'auraient pas eu accès. Non, en vérité, toutes les familles étaient aussi anciennes les unes que les autres. Tout le monde avait un père et une mère, 2 grands-pères et 2 grands-mères, et 8 arrière-grands-parents. Mais certains gardaient des traces du passage dans le temps de leurs ancêtres disparus. C'est ainsi que j'appris ce que nous devions aux souvenirs. La vie était compliquée. Il y avait le clan de mon père, les Alpes de Bavière, les Carpates, le Carnaval de Rio, Léon Blum et Louis Barthou, les 2 Cambon, Paul et Jules, lequel était à Berlin et lequel était à Londres avec Paul Morand pour attaché cubiste. Philippe Berthelot, secrétaire général du Quai d'Orsay, ami de Claudel et de Giroudoux, la princesse Bibesco, amie de l'abbé Munier et de tout ce qui comptait à Paris, qui était si belle, qui habitait Mogosoaia, aux portes de Bucarest, qui avait écrit Le Perroquet Vert, et Catherine Paris, que personne ne lisait plus, et Hélène Vacaresco, la poétesse, qui aimait tant la France et les passions de l'amour. Et il y avait le clan, non pas de ma mère, qui s'était ralliée corps et âme, corps et bien, à mon père et à son monde, mais du père de ma mère, le capitaine de cavalerie. Le fermier du Haut et le fermier du Ferrier, les gardes-chasse du Cormeras et des étangs du Par et des 4 Vents, le marquis d'Harcourt, la duchesse de Mortemart et toute la tribu des Boisgelins, le doyen Mouchou et le doyen Vouri, curé de Saint-Fargeau, Les équipages de chasse à cour en boutons rouges, avec leurs chevaux, leurs chiens, leurs piqueurs et leurs halalis, et toute une troupe de gymnastes qui pensaient bien, c'est-à-dire à peu près comme la fine équipe des mousquetaires de l'Action française, qui avaient tous tant de talent et qui enflammaient les étudiants du quartier latin de l'époque, plutôt marqués à droite, Charles Maurras, poète et polémiste, Léon Daudet, l'auteur de « Souvenirs », étincelant, l'ami et le découvreur parmi tant d'autres de Céline et de Proust, Jacques Bainville, l'historien, et quelques-uns encore de moindre stature. Ce serait trop simple si ces deux clans s'étaient contentés de s'opposer front contre front sur tous les points. Non seulement ils se retrouvaient bien souvent sur des positions communes, mais encore, à l'intérieur de chacun d'eux, apparaissaient des fissures. Saint-Fargeau, en vérité, n'est qu'une part assez mince, capitale et assez mince, de mon enfance et de ma jeunesse. Mon père, beaucoup de mes lecteurs commencent à le savoir, était diplomate. Il appartenait à cette tribu qui était encore autorisée à se promener dans le vaste monde avec des plumes sur la tête, et ma jeunesse tout entière se confond sans doute avec la Puisaye, cette région de Bourgogne à deux pas de la Loire où s'élevait Saint-Fargeau, mais elle est surtout cosmopolite. Je suis d'abord bavarois, moldovalac et brésilien, avant d'être poyodin. Voilà à peu près d'où je venais. Il ne serait pas impossible d'aller plus loin dans l'examen des conditions d'existence des héritiers déchus de la noblesse de robe et de la haute bourgeoisie. Il y faudrait plus de talent que je n'en ai. Peut-être ai-je réussi à donner au moins une idée de ce qui nous agitait, de ce qui nous séparait et de ce qui nous unissait. À Saint-Fargeau, déjà, je nageais entre deux rives, le côté de mon père, où régnait l'amour de la République, et le côté de ma mère, peuplé de trompes de chasse. Entre Saint-Fargeau et Ormesson, le contraste était plus vif encore. Dominé par les Lumières ou par l'imitation de Jésus-Christ, la vie à Saint-Fargeau était tournée vers le passé. Plongé dans les courants de la modernité avec une pointe d'exotisme assurée par Cuba et par Saint-Pétersbourg, l'existence à Ormesson était autrement excitante et brillante. Ces nuances, ces oppositions, ces déchirements, tout cela n'était rien au regard de ce qui m'attendait. Les miens n'avaient aucun orgueil à titre d'individu. Ils le réservaient tout entier à l'ensemble de la famille. Aucun d'entre nous ne comptait par lui-même. Ce qui comptait, c'était cette lignée qui avait débuté un jour, presque en même temps que l'histoire, et qui se poursuivait à travers le monde, sous tant de formes différentes, sous tant d'uniformes opposés, dans tant de pays divers et toujours simultanément, par un mystère adorable, à tant d'époques si éloignées. Mon cousin Pierre avait beaucoup joué au rugby avec des Irlandais catholiques vers la fin des années 20. Et il disait que c'était un jeu qui lui rappelait la famille, un jeu d'équipe où les exploits individuels ne rejaillissaient que sur l'équipe et où il s'agissait moins de se distinguer que de gagner tous ensemble. Et jamais de passe en avant. Les ballons de la famille volaient aussi vers l'arrière. Il me faut bien ici dire un mot de l'argent. On aurait pu croire chez nous que l'argent n'existait pas. Il n'existait pas. Évidemment, parce que nous en avions. Mais personne jamais n'aurait eu le front d'en parler, ni naturellement d'en gagner. L'argent, comme le cancer, la tuberculose, les maladies vénériennes, étaient l'objet d'un traitement qui consistait d'abord à le plonger dans le néant. L'image du monde que nous valait ce silence était un peu obscure, mais tout à fait charmante. L'argent survenait, voilà tout. Personne d'entre nous n'aurait été capable de dire par quelle voie mystérieuse il parvenait à se transformer en tuiles neuves sur les toits, en bal masqué pour les cousins d'Angleterre, en chasse à cour deux fois par semaine pendant 6 mois de l'année. C'était si simple d'être riche. Nous possédions un bon bout du département de la Haute-Sarthe, qui est un des plus petits de France, et quelques immeubles par-ci, par-là, dans le quartier qui s'étend à Paris du côté de la rue de Monceau et l'avenue de Messine. Je découvris plus tard que le jeune Proust avait été notre locataire au 102 du boulevard Haussmann, et que 2 académiciens, 1 champion du monde de boxe toute catégorie et 3 ministres de la République, dont 1 socialiste, nous avaient aidés à vivre. Nous ne voyagions jamais. Nous allions à Paris, en berline, puis plus tard par le train, c'était tout. L'idée ne serait jamais venue à mon grand-père de partir pour la Syrie, pour les Indes, pour le Mexique. Il y avait dans les déplacements quelque chose d'agité et d'imperceptiblement vulgaire. Depuis les croisades et les corsaires, nous ne nous éloignions plus guère de Plessis et Vaudreuil. Il fallait souffrir de la poitrine pour aller visiter la Côte d'Azur. Et naturellement en hiver, où vous aviez une chance de rencontrer au Cap Martin l'impératrice Eugénie ou l'impératrice Élisabeth, la reine Victoria à Cimiez, l'impératrice de Russie à Nice, dissimulée pour son bain derrière un paravent de 60 cosaques. Se faire voir à Cannes ou à Nice, entre mai et octobre, aurait été un déshonneur auquel il aurait été difficile de survivre. Il ne pouvait y avoir que 3 motifs à un voyage en Afrique du Nord. Un meurtre ou un vol qualifié, la fuite devant l'envahisseur dans le cas des Alsaciens, et l'homosexualité. L'Italie et la Grèce faisaient seule exception. Le président de Brosse, Chateaubriand, Edmond Abou, pouvait servir d'exemple et d'excuse. Ceux qui n'avaient pas peur de se faire traiter d'artiste avaient licence de s'embarquer à Marseille ou de traverser les Alpes pour aller tripoter les vieilles pierres. De temps en temps, bien sûr, nous partions pour Paris. Nous avions pour Paris beaucoup de méfiance et de dédain. C'était un peu l'inverse des grandes ambitions des Julien Sorel ou des Eugène de Rastignac. Ils montaient à Paris à la conquête de la gloire. Nous laissions la nôtre à Plessis et Vaudreuil, où nous étions sûrs de la retrouver. Non, ce que nous allions chercher à Paris, ce n'était pas une gloire déjà acquise et qui nous attendait à la maison. C'était des danseuses et des paires de bottes. Presque rien. Nous y faisions nos courses et nos petits besoins. Nous en profitions pour nous montrer à Longchamp, au Drag, chez l'éternelle duchesse d'Uzès, au goûter de la tante Valentine, aux ventes de charité des dames du Sacré-Cœur. Peut-être ces quelques pages contribueront-elles modestement à signaler 2 ou 3 choses qui se sont modifiées entre le Moyen-Âge où nous vivions et les temps modernes dont nous nous refusions avec obstination à constater l'avènement. Nous avions des cuisiniers qui se faisaient appeler chefs, et ils avaient de grandes toques blanches que des femmes de chambre à dentelle passaient leur temps à amidonner. Nous avions des maîtres d'hôtel et des valets de pied. des précepteurs et des jardiniers, des mécaniciens et des marmitons, des gardes-chasse et des valets de chiens. Mais jamais, jamais, aucun de nos gens, puisque c'est ainsi que nous les appelions et qu'ils se nommaient eux-mêmes, jamais aucun de nos gens n'est mort sans que ma grand-mère ou ma mère ou quelqu'un de la famille ne se tînt debout au pied du lit de bois, sous le Christ au buis béni, pour tenir la main du mourant à l'instant du dernier soupir. Nos gens nous appartenaient, mais nous leur appartenions aussi. Ce n'était pas l'âge des bonnes de rencontre, dont on change comme de crémier, comme de voiture, comme de chemise. Quelqu'un qui entrait chez nous n'avait pas besoin des assurances sociales qui n'existaient pas encore, des retraites qui n'existaient pas encore, des dispensaires qui n'existaient pas encore. Quelqu'un qui entrait chez nous savait qu'il ne serait plus jamais sans travail ni sans ressources, qu'il serait soigné s'il tombait malade, qu'il serait protégé contre les risques et les menaces, que ses enfants, s'ils mouraient, ne seraient pas abandonnés. Et comment en aurait-il été autrement, puisqu'à partir du moment où il était entré chez nous pour bassiner les lits ou pour ratisser les allées, il faisait partie de la famille. Nous vivions dans un système. C'était un système tacite, un peu mystérieux, presque secret, tout à fait incompréhensible, pour des esprits d'aujourd'hui. C'était le système de l'honneur. Il était aussi rigoureux que le marxisme ou la philosophie de Hegel. Mais personne n'en parlait jamais. Expliquer n'était pas très bien vu. Nous étions trop près de la terre, des chevaux, de nos vieux arbres, pour aimer beaucoup les idées. Mais toute notre vie silencieuse était animée par une foi dont nous ne disions jamais rien, une foi dans la continuité, dans la durée, dans la permanence des choses et des hommes, dans un grand dessein de Dieu, dont le nom de la famille était de toute évidence une des incarnations les plus parfaites. En toutes circonstances, et en règle générale, la formule à recommander était le silence. Nous ne participions pas beaucoup, nous ne nous épanchions pas, nous nous taisions beaucoup. Exprimer ses sentiments ou ses convictions avec trop de véhémence n'était pas de très bon ton. À Saint-Fargeau, sauf mon père et ma mère, bien entendu, qui fondaient en larmes plus souvent qu'à leur tour, nous gardions nos troubles pour nous. Nous dissimulions plutôt nos émotions quand il nous arrivait d'en éprouver. Nous communiquions nos réflexions avec beaucoup de réserve. Nous échangions peu d'idées. Nous ne disions pas grand-chose. Nous parlions pour ne rien dire. Le plus souvent du temps qu'il faisait, de la famille, de la chasse, des jardins ou de la forêt. Très peu de politique. Jamais d'argent, de divorce, de ragots, de nos souffrances physiques ou morales. Une des formes de communication les plus utilisées était le dépôt de cartes de visite cornées ou non. La carte de visite cornée signifiait en principe que vous vous étiez dérangé vous-même. Mais c'était pure hypocrisie. Un chauffeur ou un valet de pied se chargeait toujours de la besogne. Parfois agrémenté, non pas même de quelques mots, mais de trois lettres, PPC, pour prendre congé, si vous partiez en voyage sur vos terres, pour les eaux, ou PPN, pour prendre des nouvelles. La télévision n'existait pas. Les enfants lisaient. La radio était un immense meuble de bois d'où sortaient des gargouillis. Le téléphone était commandé par une manivelle qu'il fallait tourner avec frénésie pour obtenir une de ces demoiselles du téléphone chère à Marcel Proust. Nous lui demandions d'une voix de stentor qui résonnait dans tout le château invalide, 13, 40, ou littré, 10, 10, ou le 9 à Asnières, que nous obtenions avec peine. Appeler l'étranger était du plus mauvais goût, et d'ailleurs presque impossible. Le téléphone retentissait à Saint-Fargeau avec une sage parcimonie, une fois par mois, en moyenne. À l'extrême rigueur, en cas de décès ou de pneumonie dans la famille, deux fois. Sa sonnerie assez bruyante déclenchait aussitôt parmi nous la plus vive agitation. Politiques ou privées, les nouvelles, par définition, étaient toujours mauvaises, et nous nous efforcions avec succès d'en obtenir et d'en donner le moins possible. Les manières en général constituaient l'essentiel de la vie sociale et des relations avec les autres. La formule « il a de jolies manières » ou « il a de vilaines manières » tombait comme un couperet obligatoire. Les fonctions, le talent, le caractère, les vertus, les idées passaient après les manières. J'ai connu beaucoup d'escrocs qui avaient de bien jolies manières et pas mal d'hommes et de femmes remarquables qui en avaient de très mauvaises. Je me suis souvent demandé si le mot « manière » avait un long passé derrière lui. Peut-être est-il apparu au moment où elle commençait à disparaître. J'ai toujours eu du mal à choisir. Je me sentais tiraillé entre des exigences opposées. J'étais, si j'ose me servir des mots utilisés par l'auteur des Mémoires d'outre-tombe, mais lui, avec quelle splendeur, comme un nageur entre deux rives. Les choses remontent un peu loin, dans l'espace, à la distance entre le château de Saint-Fargeau et les postes de mon père, ambassadeur du Front populaire. Dans le temps, à l'écart entre mes deux familles, l'une depuis toujours au service de l'État, l'autre attachée à sa terre, j'ai défendu la tradition, j'ai aimé le changement, j'ai caressé les institutions, j'ai été fasciné par les rebelles, j'ai été gaulliste parce que le général était un rebelle qui incarnait la tradition. Le pouvoir pour le pouvoir ne m'a jamais séduit. J'ai détesté Staline et j'ai détesté Hitler qui se sont partagés le monde pendant quelques années parce qu'ils ne reculaient devant rien pour conserver un pouvoir qui avait fait table rase du passé et qui éliminait la moindre forme d'opposition et de contestation. Le plus souvent, j'ai pensé contre moi-même. J'ai un faible pour mes adversaires. Je ne suis pas toujours de mon avis, ce qui ne veut pas dire que je sois du vôtre. Je m'aime peut-être moins que vous ne croyez, mais ce que j'aime moins encore, ce sont ces débats inutiles dont sont friands tant d'agités et d'où ne sort jamais aucune lumière. Bonsoir. C'était « Pages arrachées à Jean d'Ormesson » avec Philippe Morier-Genoux. Choix des textes, Sylvie Balule. Première partie, les origines. Extrait de « Au plaisir de Dieu » paru aux éditions Gallimard et de « Qu'ai-je donc fait » paru aux éditions Robert Laffont. Musique originale, Sébastien Quincé. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Martin Delafosse. Assistant à la réalisation, Lélio Ploton. Réalisation, Baptiste Guiton.